automatiquement, tu engendres en toi une vibration supérieure qui t'amène à donner une réponse de vibration supérieure. Faut jamais que tu te laisses infliger la faiblesse d'une question due à une personnalité quelconque. Si la personnalité est moindrement, pas dans cette question-là, parce que c'est une question bien claire et bien simple, si une personne demande une question qui est pas bien cousue, là, c'est à toi de pouvoir la coudre instantanément, puis tu le fais. Tu dois toujours être plus haut que la question et plus haut que la réponse. Mais ça, tu l'es si tu n'engendres pas des mécanismes de réflexion en relation avec la question qui est. Tu dois toujours être maître de ce que tu dis, ne jamais être maîtrisé par ce qui est demandé. Ça va. OK. Une autre question. Le pouvoir du son sur la matière. Ça, c'est une question qui est sans importance. Il faut que tu saches quand une question est importante, quand elle n'est pas importante. Une question qui est importante, c'est une question qui s'adresse, qui provient de la curiosité de la personnalité ou de l'ego. Question. Quand on dit que les énergies, avec ce qu'on a apporté sur l'âme, avec ce qui s'est éclairci au niveau de l'âme, quand on dit que l'ego commence à recevoir les énergies de l'âme, est-ce que c'est très exact de dire que les énergies viennent réellement de l'âme ou si les énergies passent à travers l'âme? C'est vrai que l'énergie passe par l'âme. Ne provient pas nécessairement de l'âme, mais passe par l'âme. L'âme peut, elle, fournir de l'énergie à l'ego, à savoir exactement si ça vient de elle-même, elle a été créée, cette âme-là. Elle reçoit de l'énergie, mais elle est responsable, cette âme-là, pour l'ego à laquelle elle envoie cette énergie-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a un lien avec la destruction de l'âme, dont Bernard a parlé tout à l'heure, et la venue de l'entreprise? Il y a un lien, mais je crois que le lien est assez loin. Il y a un lien, mais comme c'est si on va te donner une corde qui a 250. Tu vas jamais dire je crois quand tu parles. Aussitôt que tu dis je crois, tu affaiblis la vibration de ce que tu as à dire. Tu peux jamais dire je pense. Si tu dis je pense, c'est simplement pour atténuer dans l'esprit de l'autre l'absolu de ce que tu sais. Sans nous autres, on n'a pas besoin. À l'extérieur, tu pouvais le faire. Ce qui m'est venu, hein? J'ai envie de dire, je crois. Ce qui m'est venu, à l'idée, c'est de sais-tu ou tu sais pas. De sais-tu ou tu ne sais pas. Quand elle dit quoi, je crois, là. Ça, c'est la vibration qui est déclenchée automatiquement dans son mental. De sais-tu ou tu ne sais pas. Tu comprends comment ça? Ouais. Tout est vibratoire. C'était quoi la question? Est-ce qu'il y a un lien entre la destruction de l'âme et la venue de l'antéchrist? C'est important de savoir quand une question est importante. Les questions qui sont importantes sont les questions qui définissent la nature de l'homme nouveau et qui renchérissent, lorsque tu parles, la connaissance nouvelle. Ce qui est important, c'est que c'est... Puis ça, il faut que ça soit saisi dans l'instantané. C'est ce qui te force à détruire une forme. Ou surtout que tu es obligé de détruire une forme, automatiquement, il y a une résonance en dedans. Ça veut dire que c'est important, ça. Là, j'essaie de tourner la salle puis lui ensemble pour amener... Une autre question. De quoi est composé l'homme qui sait? Faut que tu fasses attention, faut que tu saches instantanément ceux qui sont susceptibles de diminuer la vibration de l'éther. Seulement, faut que tu donnes une chance de s'expliquer parce que des fois, ils peuvent avoir des questions intéressantes. Mais faut que tu puisses les localiser dans l'espace, puis savoir que, lui, il peut facilement t'arriver avec une question qui est du domaine de la curiosité, mais faut que tu lui donnes la chance de l'expliquer, de la demander, cette question-là, parce qu'il peut avoir une question qui est vitale. Faut que tu apprennes à les reconnaître dans la foule. Alors, il y a lui, de ceux qui demandent des questions, là, qui peuvent... Il y en a plusieurs, mais je veux dire, faut que tu les reconnaisses. C'est quoi votre question? pourrait composer l'homme qui sait la partie de l'expliqué au commencement de la conférence ce soir qu'il y avait une partie de l'homme qui savait et l'autre partie qui ne savait pas. Alors, l'homme qui sait, de quoi est-il composé? Regarde bien. Dans sa question, il y a toujours le côté, le caractère philosophique qui revient. Le caractère philosophique qui est intégré dans le mot composé. Alors, le mot composé introduit automatiquement la question à une dimension philosophique, mais c'est répondable parce que le mot composé peut être éliminé si tu en crées un autre. Après. Ouais. Elle m'a passé, mais je ne l'ai plus. Là, okay. Okay. Mais là, c'est une étude qu'on fait, là. C'est bien important pour vous autres plus tard. Mais d'abord, ouais. C'était oui. Ce que je ressens, là, c'est que si, pour établir, au lieu d'arriver, moi, mon idée, là, personnellement, si M. Croteau, c'est arrivé qu'il y aurait, mettons, parlé de certaines choses, il nous aurait tout de suite mis dans une dimension. Ouais, mais le point n'est pas là. Mais le c'est point, facile, non, non, le point n'est pas là, c'est que les vibrations doivent être... Moi, je vais vous amener à ça. Je vais amener Croteau puis vous autres à ça. Croteau, il a sa personnalité. Mais oui, c'est correct que ça va être. Bon, chaque personne a sa personnalité, puis il n'y a pas une personne qui peut arriver devant vous autres et vous donner la vibration du mental supérieur. Il faut que la vibration du mental supérieur soit amenée par déflexion. Puis la déflexion, je vous en rends conscient au fur et à mesure que je fais cet entrejeu-là. Parce qu'il n'y aura jamais un homme pour me remplacer. Mais il y aura des hommes pour remplacer ce que moi, je ne pouvais pas faire parce que je ne pouvais pas dépenser l'énergie à ce plan-là. Mais ces gens-là pourront amener cette énergie-là à ce plan-là. Moi, il y a des choses qu'il faut que je vous dise pendant un certain nombre d'années. Puis, j'ai un temps limité. Mais il y a des questions que souvent je vais vous répondre quand on est tout seul, mais qu'en groupe, je ne répondrai pas. Alors, ces questions-là pourront être répondues par Croteau ou d'autres personnes plus tard, mais dans la même vibration qu'on parle aujourd'hui. Mais pour que ça se fasse, ça, faut que Croteau apprenne à reconnaître la vibration de son intelligence. Il va être amené à reconnaître la vibration de son intelligence quand vous autres, vous allez lui donner la vibration du son de sa mémoire. Le son de sa mémoire va automatiquement déclencher en lui une vibration. Et c'est de cette vibration-là qui va partir. C'est ça que je suis en train de faire. Là. C'est là que je prends la dernière partie de la soirée pour faire ça. C'est pas ce qui est dit dans une rencontre comme nos rencontres qui est important. C'est comment c'est dit. C'est pas la question qui est importante, c'est comment elle est répondue. Autrement dit, c'est vibratoire. C'est jamais psychologique. Alors, je veux amener la salle et celui qui parle au camp vibratoire. Lorsque ça va être fait, ça, à ce moment-là, vous serez accroché au plan vibratoire et vous pourrez continuer à partir de là. Je le fais avec tous les speakers. Vraiment, je veux juste comprendre quelque chose. Une intelligence, face à une autre intelligence, c'est comme, mettons, je posais une question. Puis là, il me répond dans un niveau vibratoire. Puis moi, ça ne me satisferait pas parce que je veux avoir une autre vibration, parce que je sens que c'est comme je chantais son intelligence, puis j'avais une autre vibration de son intelligence. Oui, ça c'est un bon point. Ça va se faire au fur et à mesure que Croteau va être donné la vibration. Va être donné la vibration de son savoir. Là, il y a la vibration de son intelligence. Il faut qu'il soit donné la vibration de son savoir, et la vibration de son savoir va être le résultat de vos vibrations. Parce que qu'est-ce que tu sais à ce moment-là, quand la vibration ne te satisfait pas, que tu veux, c'est ton intelligence que tu sens, ou son intelligence, ou l'intelligence? C'est l'intelligence que tu sens. Oui. Seulement, toi, supposons que tu me demandes une question, moi, à cause de ma sensibilité, je vais aller chercher assez loin la réponse pour te satisfaire. C'est ça, moi. Mais c'est parce que je sens la vibration de mon savoir. Alors, Guy va en arriver à être dans la vibration de son savoir aussi. Mais la vibration de son savoir est en relation avec la vibration de vos questions. Ça s'ajuste. C'est ça. La preuve, c'est que moi, quand je suis assis à table avec lui et on se parle, c'est toujours ici. Quand je parle avec Daniel, c'est ici. C'est pas ici. C'est la même chose. Seulement que quand on est ensemble, on participe tous les deux à la vibration. Tandis que quand il y a une salle qui n'a pas participé à la vibration, cette vibration-là n'a pas été créée. Il faut qu'elle soit créée, cette vibration. Et pour qu'elle soit créée, il faut que je vous explique à lui comme à vous autres, ce qui empêche cette vibration de venir. Quand je dis, tu dis jamais en public, je crois que, je pense que. C'est un exemple. Mais l'ajustement du pouvoir progressif pour que le, pour que ça, ça dépende, ça peut être à ce moment-là quand c'est... Ah! C'est à quoi la question, la dernière question? Allez-vous la bande, c'est juste... C'est à quoi la question? Ouais, c'était... est-ce qu'il y a un lien entre la destruction de l'âme dont vous avez parlé tout à l'heure et la venue de l'Antéchrist? C'est oui, Anna. S'il y a la destruction de l'âme, automatiquement, il n'y a pas de la vie de l'âme. C'est à quoi ça répond? Il m'a dit oui. Reprends donc ce que tu dis. S'il y a la destruction de l'âme, la destruction de l'âme, c'est le centrifuge de tout ce plan-là. Là. Si ça est parti, il y a une... automatiquement, ça va être passé, l'Antéchrist va être passé. L'Antéchrist n'aura pas d'âme. Il y en a une relation, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se faire simultanément, en même temps, parce qu'il y a une question là, d'évolution là-dedans, autant pour le niveau que les gens parlent de l'Antichrist et que les gens parlent de l'âme. On peut faire un lien à ça, ensemble, parce que on peut penser à ça. Mais c'est qu'il y en a un lien, mais nécessairement à dire que ça... ce qu'elle dit, elle, ce que tu dis, toi. C'est... Moi, je peux pas vous l'expliquer clairement comme Bernard il le ferait, parce que j'ai nettement les vibrations que j'ai. Je vais vous donner les réponses que moi j'ai. Je peux pas aller aussi loin que lui. Mais sur cette question-là, c'est oui, mais c'est pas nécessairement... moi, je peux pas m'étaler aussi loin sur cette question-là. À cause de la destruction de l'âme et à cause de la venue là, de l'Antichrist. Dans ma tête, à moi, ça a un lien, mais c'est pas nécessairement ce que vous pensez que c'est. De la destruction de l'âme, mais pas de façon globale, par rapport à chaque individu. Au niveau du mécanisme qui s'installe, au niveau d'aller chercher l'énergie de l'âme, puis de la descendre au niveau de l'ego, de l'intégrer. Ça se fait quand la personne elle-même forme, développe sa volonté, puis son intelligence. Il va arriver vider l'énergie de l'âme en s'en constituant une à lui-même. Quand il sera arrivé à avoir assez de volonté, quand le temps sera venu pour lui, que son développement de sa volonté et de son intelligence sont assez haut en vibration, qu'il pourra à ce moment-là faire éclater ou faire la destruction de sa propre âme, à ce moment-là, il aura accès à une autre forme d'énergie beaucoup plus pure que celle que son âme qui l'a nourri jusqu'à date pour son module d'évolution jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le processus n'est pas à l'envers dans le sens qu'elle me dit, moi, dans le sens que moi je le comprends? L'âme a déjà le pouvoir sur l'ego, c'est lui qui... l'âme. L'ego doit se défaire de l'âme, par la volonté et l'intelligence. Il ne doit pas l'intégrer, et c'est déjà là. C'est-à-dire que l'ego... Regardez bien, elle, là, dans la vibration de sa question... Elle teste la véracité de son sentiment contre la nature de son savoir. Oui, la vibration. Ça se fait. ça, c'est bien inutile. Parce que automatiquement, si vous faites ça, vous tombez dans la discussion philosophique. Vous tuez du brassier. Si une question est demandée et elle n'est pas clairement expliquée, vous ne devez pas essayer de contraindre celui qui l'a expliqué, peut-être d'une façon limitative, au regard. On ne devrait pas remettre sa réponse en question, right. Mais on devrait raccorder sa réponse avec notre propre intelligence. Essayez de comprendre sa réponse. De s'ajuster à sa réponse. Essayez de capter que c'est ou de la reformuler pour qu'il la redonne en copie. Ainsi de suite. Mais aussitôt que vous faites que vous intellectualisez la réponse, vous tenez sous la vibration. Parce qu'en lui, il se fait une fatigue. Même s'il a réalisé une fatigue, Donc, on a nos questions, on rajoute à la réponse. Si c'est faux comme ça, exactement. Se raccorde à nous. Si ça ne se raccorde pas à nous, vous attendez. On attend. Mais ça ne serait peut-être pas produit, ça, si ce n'était pas diminué en se comparant à toi auparavant. Il ne faut pas! Parce que ceux qui viendront en public ne doivent jamais se comparer à moi, parce que si vous vous comparez à moi, automatiquement, vous diminuez l'intelligence. Moi, je suis rien, moi. C'est l'intelligence qui est le tout. Le reste, c'est de la personnalité. C'est bien important. C'est pour ça que je dis, ceux qui parlent en public ne doivent pas substituer leur intelligence pour des formules intelligentes telles que je crois que ou je pense que. C'est mortel. C'est mortel pour l'intelligence de dire je crois que, je pense que. Le fait dans mon sondage, tu avais dit que l'enthousiasme, c'était une chose dans l'avenir, on va savoir que c'est une chose qui n'est pas bonne, parce que l'âme, en tout cas, les vibrations, puis l'âme, c'est, ça ne marche pas. Mais est-ce que ça peut marcher le contraire aussi, en parlant de le combat contre l'Antichrist, mettons le monde en intelligence, avec un taux vibratoire bien, ensemble, haut, je ne sais pas comment dire ça, you know, like, to shoot an arrow, more or less, to say at him, you know what I mean? With a vibration, is that feasible? L'homme qui est conscient, l'homme qui est dans la conscience cosmique n'a pas besoin de combattre, n'a pas besoin de diriger d'énergie ou de faire d'efforts parce qu'il connaît la fin du cycle. Okay, mais il sait automatiquement que le cycle doit prendre sa fin, que les événements doivent prendre position dans le temps de l'homme, et tout ce qu'il a à faire, lui, c'est de transformer dans l'instant de ces grands événements son énergie émotionnelle, son énergie mentale intérieure en énergie suite. Il doit être totalement centré, qu'il y ait un point inébranlable devant tout cette. Autrement dit, il va être en dehors de son. Out of his way. You can be in his way because you're centric. So it doesn't matter what happens around you if you're centric, nothing can touch you because you're centric. That's he's walking down the path and I'm on the road. He can't blow me out of the way. You don't even have to think about these things because these things will never happen this way. Okay. The only light that a man has is his consciousness, and when he has his consciousness, he moves according to that energy. The rest displaces itself according to the laws of energy. Une chose qui est importante, c'est que les gens c'est pas facile C'est vibratoire, ce que je dis. C'est pas facile de rentrer dans mes souliers. Et ça peut être facile si les gens donnent à ceux qui parleront en public la chance de parler de mes souliers. Et si les gens donnent la chance à ceux qui peuvent parler aux salles, ceux qui parleront aux salles auront des choses petites. Mais si vous ne donnez pas la chance, à cause de vos égos, de vos personnalités, à cause des basses vibrations astrales, vous allez automatiquement perdre des éléments extrêmement importants dans la constitution de la conscience sur vous. Ça demande énormément de patience pour écouter quelqu'un qui n'est pas dans la même vibration que la mienne, mais qui est dans la même énergie. Si le rythme n'est pas pareil, le taux n'est pas pareil, la vibration n'a pas la même couleur. Il n'y a pas de fusion. Ça prend beaucoup de patience. Vous parlez d'en haut, puis vous parlez de ci, puis vous parlez de ça. Au tout début, tantôt, si j'ai dit que je n'allais pas parler comme ma Bernard, voici pourquoi. C'est que je voudrais établir clairement quand je parlerai ou quand dans des bouts de soirée ou des soirées complètes, c'est que je ne veux pas, je veux qu'on me connaisse moi comme je suis. Je ne peux pas me situer, ni m'imposer, ni dire « Je suis Bernard, je connais Bernard. » Je veux éclaircir ça. Là. L'idée était qu'on tombe avec moi, mais sur la même vibration qu'on était. Si moi je te parle à toi, ou que je parle à elle, je vais être sur la même longueur d'onde, mais c'est sûr que je ne suis pas avec la même personne que je m'adresse l'un à l'autre. Ça, c'est ça que j'ai voulu éclairer quand je me suis assis ici. C'est pas que je voulais me mettre moins, ni me mettre à côté d'eux, je voulais être moins. Sur tout ça, que j'ai voulu éclairer, là, pour ceux qui ont peut-être pensé autre chose. J'aurais préféré que tu dises que tu étais différent et non pas moins. Ben, c'est une explication que je donne. Quand on dit moins, là, j'ai dit quand je n'ai pas dit moins, c'est pas ça, là. C'est quand je veux que ça soit moi. Je veux pas que ça soit moins, ni que ça soit plus, ni que ça soit à gauche. Je veux que ça soit moi. Parce que si moi, je vous invite à une soirée, je vais faire une explication, là, et puis que je passe la parole à madame en avant, c'est sûr que vous allez avoir une réaction semblable. C'est sûr. Parce que on est sensible à ça. Quand on change de quelqu'un, on s'en va pour voir quelqu'un, on s'en va discuter, entendre quelqu'un. Et puis c'est simplement une constatation entre nous là qu'on fait. Puis ça l'a baissé dans le genre de questions à l'astral. Après ça, on a commencé à intellectualiser et à vouloir développer la question dans l'intellectuel au lieu de la garder dans sa vibration réelle. C'est ça qu'on a fait quand je me suis assis ici. Alors, veux dire que lorsqu'on te pose des questions, il faut pas qu'ils soient posés sous forme d'un piège qu'on te tend. Ça peut être vu comme ça. Si vous êtes clair, autant que possible, j'aurais pas envie de vous reposer la question différemment. Mais c'est une question, remarquez bien une chose, si vous discutez avec votre propre esprit, posez-lui une question claire et nette, il va vous répondre une question claire et nette. Si vous lui posez une question ambiguë, il ne vous répondra pas ou il va vous mentir. Ça peut être orgueilleusement qu'il va vous répondre, je parle quand vous parlez à vous autres mêmes. Pour ceux qui ont déjà lu quelques processus, si vous voulez avoir une question nette, il faut poser une question claire. Il y a des exceptions, vous en avez un, vous avez un type, qui est fusionné, que vos questions soient claires ou pas, lui, ça lui passe là. Parce qu'il va aller la chercher, cette question-là. Avec le temps, ça peut arriver que des gens comme nous arrivent à cette vibration-là. Mais pour le moment, moi, il faut que je réponde par moi-même. Quand je dis par moi-même, c'est pas avec ma personnalité, c'est avec ma vibration. Alors, si on pose des questions, comme vous dites, piège, ben, je peux bien dire, c'est pas important. Je peux passer à elle. C'est une manière de casser la glace puis de montrer à quelqu'un que c'est pas moi qui ai de l'air pris, c'est l'autre qui m'a posé la question. Alors, moi, j'ai pris un peu, j'ai détourné ça en voulant faire poser plus clairement. Que c'est pas la méthode à Bernard, c'est sûr, parce que lui, il va aller chercher ça exactement où allait votre question par l'intérieur. Avec le temps, je dis. Ou même dans quelques secondes, je peux avoir la réponse. Mais si je ne l'ai pas, j'ai l'honnêteté de le dire, d'être franc. Moi, je joue pas avec... parce que je suis assis là, je me prendrai pas pour un autre. Je n'essaierai pas de vous conter quelque chose. Je vais vous dire ce que c'est que je vis intérieurement. Puis il faut en faire autant. Là. Moi, c'est ça, là. Je me dis exactement ce que je ressens, ce que je pense. Là, je trouve ça intéressant parce que on sent que c'est toi qui parles, puis ça part de quelque chose que tu vis. Mais quand j'étais assis là, quand Bernard t'a dit d'aller t'asseoir là, j'étais premièrement profondément déçue. Honnêtement, là, je vais être honnête avec toi, j'étais déçue parce que je ne te connais pas, j'ai rien contre toi. Mais moi, personnellement, je venais pour entendre Bernard, puis je m'attendais, ça m'intéressait. Bon, première chose. Deuxièmement, ça a descendu tôt vibratoire parce que moi, j'ai pas senti, parce que je te connais pas, puis je suis trop titue, tout ça, j'ai pas senti à quel niveau poser des questions, première des choses, je savais pas. Là, je sais plus qui tu es, je sais plus. C'est plus défini. Je veux dire, je trouve ça intéressant. Déjà, je trouve que depuis que tu as parlé, tu as créé un contact qui est plus intéressant qu'au départ, quand tu as dit, avez-vous des questions à me poser? Je trouvais qu'au départ, on ne connaissait pas tes couleurs, on ne savait pas où se situer. Mm-hmm. C'est un peu pour ça que j'ai expliqué. C'est un peu pour ça que j'ai expliqué tantôt. Puis, de toute façon, c'est pas plus mélangeant que ça. C'est que dans tout groupe, il faut se connaître dans le sens vibratoire plutôt que se connaître de quel âge que tu as et comment est-ce que tu pèses. Là. C'est pas ça qu'on va faire ici. Mais c'est une question de vibration. Et si on fonctionne vibratoirement dans nos questions, c'est beaucoup plus vibratoire dans les réponses. Si c'est des questions à double sens qui viennent de l'intellect, si moi je la sens comme ça, je vais vous dire que c'est pas important, ou je vais passer à un autre. Vous pouvez penser, ah, il ne peut pas la répondre. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Parce que quand je dis que je pense, c'est ce que je vois qui se déroule. Parce qu'on n'est pas là pour penser, on est là pour discuter vibratoirement. D'accord. Il y a un facteur, je veux ajouter, parce que quand tu dis que tu t'es déçu, quoi que ce soit, c'est ton insécurité qui parle par rapport à qui. Parce que si Bernard donne une crédit à qui, parce que Bernard sait que c'est l'intelligence que tu viens chercher, quand tu viens dans l'univers, la personnalité de Bernard que tu viens chercher, c'est de l'intelligence, c'est un moyen de te sentir dans ton propre intelligence. Ben, si qui est en avant, il y a une raison, cosmiquement parlant, tout ce qui est là. Automatiquement, tout ce qu'il dit a du bon sens et est vrai. Et par conséquent, si tu ne lui fais pas porter le poids de ton insécurité émotionnelle en posant des questions pour te bâtir une confiance, là, à ce moment-là, tu vas avancer. Parce que tu vas aller chercher autre chose que ton insécurité. Tu vas aller chercher la récupération qui te permet de développer ton mental. Moi, je vais vous mettre. Non, mais je voulais connaître parce que c'est vraiment ça que je ressens. Je pense que on est maintenant sur une vibration moyenne. Si vous voulez changer ça, ou je vais passer ça à Bernard pour qu'il termine. La chose qu'il devrait avoir, là, c'est vrai qu'il use de l'impression va être plus catégorique. Ça va venir avec le temps. C'est sentir que c'est ça. Ça venait avec la question. Je peux vous dire une chose en vous laissant. Bernard a choisi de plus croire. Il savait que je n'étais pas là. Il a voulu te dire. Je suis bien content du résultat de vos réactions. Ce soir, je vous reprends. une chose qui est bien importante que vous avez dit, c'est que c'est pas important qu'on soit lié au niveau de nos personnalités. C'est ça qu'il faudrait dans les rencontres, que les gens prennent conscience de ça. Ce qui est important, c'est qu'on soit lié au niveau de l'esprit. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs. Que ce soit au niveau vibratoire. C'est pas important. Ouais. Quand les gens seront liés au niveau vibratoire, il n'y aura plus de problème, puis automatiquement, il y aura énormément d'instructions et d'informations qui passeront dans vos rangs et qui vous éclairera dans tous les domaines de l'homme. Parce que il y a énormément de choses cachées à l'homme. Et les mécanismes de l'intelligence sur la Terre qui se dévoilent petit à petit sont extrêmement délicats. C'est-à-dire qu'ils sont directement liés aux mécanismes de la personnalité et aux relations entre la personnalité et l'esprit. Et de plus les hommes perdront ou sortiront de leur personnalité, ça se fait pas d'un jour à l'autre. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Plus les hommes auront accès à de l'intelligence et à de l'information qui descendra dans les circuits universels et qui permettront au cerveau de s'alimenter instantanément. C'est pas facile, cette tâche-là. Il y a énormément de gens aujourd'hui ou de groupes qui veulent faire du dialogue, qui veulent faire de la communication, mais la communication qu'ils font, c'est une communication psychologique. Et ils essaient de détruire les barrières psychologiques pour permettre qu'il y ait un peu d'affinité entre les personnages. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est plus ce qui est important pour l'homme ou pour un nombre d'hommes, pour une unité de personnes. Ce qui est important pour cette unité de personnes globale, c'est la capacité de faire descendre l'énergie vibratoire de l'intelligence. Et il y aura toujours une personne qui pourra canaliser cette énergie-là. Il y en aura toujours un. Mais la clé, c'est dans la capacité des personnalités de dialoguer en dehors de la personnalité pour sentir simplement la vibration. Et ensuite, la vibration elle monte. Les gens aujourd'hui se parlent beaucoup plus facilement qu'ils se parlaient il y a 6 mois, 8 mois, 9 mois. Les gens ont développé des affinités, des sympathies vibratoires, même des amitiés, ainsi de suite. Alors là, à ce moment-là, automatiquement, l'énergie passe. Parce qu'il va venir un jour où forcément vous serez seul, il va venir un jour où forcément vous n'aurez plus accès à de l'information qui vous satisfera sur le plan humain en dehors de vous-même. Il n'y aura plus de livre qui pourra vous satisfaire. Il n'y aura plus rien. Vous serez le livre. Normalement, entre nous autres, s'il ne devrait pas y avoir de questions, il ne devrait y avoir que des réponses. Pas nécessairement, parce que les questions engendrent des réponses et les questions sont nécessaires, parce que les questions préparent votre esprit à accepter d'autres questions et d'autres réponses. Ouais, mais quand on a une question à poser, on a déjà une réponse dans la tête. Des fois, vous posez une question, vous avez la réponse dans la tête, puis à ce moment-là, si vous aviez une réponse dans la tête aussitôt que vous avez la question, vous ne devriez pas demander la question. C'est ça que je dis. Mais vous avez la mauvaise habitude d'avoir des questions dans la tête, puis en même temps avoir la réponse, puis vous posez la question pareil. Pour vérifier. Ça, c'est une perte d'énergie. Aussitôt que vous avez une question et que vous avez la réponse, si vous l'avez arrêté là, non, vous continuez, vous allez à une tierce personne, à une autre personne, pour vérifier votre réponse. Et automatiquement, vous perdez votre énergie et vous demandez ensuite pourquoi est-ce que vous n'entrez pas dans votre intelligence. Pour entrer dans votre intelligence, vous êtes obligé de payer le prix de votre propre doute et de vivre votre propre doute et de vivre votre propre insécurité psychologique. Parce que la pénétration de l'homme dans l'intelligence incite l'homme automatiquement à se sécuriser dans ce qu'il ne sait pas au niveau de son intellect. Tu ne peux pas rentrer dans l'intelligence et être dans l'intellect, c'est impossible. Alors, si tu rentres dans l'intelligence, il faut que tu perdes de l'intellect. Et automatiquement, en perdant de l'intellect, tu te questionnes, parce que tu n'es pas habitué encore. Quand vous avez des questions, vous avez la réponse, restez avec. Si vous avez une question, vous n'avez pas de réponse, à ce moment-là, vous pouvez la poser. Parce que la question que vous avez ne sert pas nécessairement seulement à vous, elle peut servir à d'autres personnes. Mais habituez-vous donc, quand vous avez une question, vous avez une réponse en même temps, d'arrêter l'honnête. Parce que la réponse que vous avez quand vous demandez une question est toujours proportionnelle à votre esprit. Tandis que si vous demandez une question, vous avez la réponse, vous la demandez à un autre qui a un autre esprit, automatiquement, l'autre peut confondre votre réponse. À moins qu'il soit capable de bien saisir votre question et votre réponse. Interne. C'était quoi la question? On parlait de ce que c'était l'âme. On parlait d'astral. On parlait de... Il y avait une différence entre une âme et la totalité des âmes. Ouais, j'en reviendrai sur ça. Qu'est-ce qui a relégué les âmes à la matière? Il faut que je parle d'autre chose. Il y a une chose. Je veux prendre le temps sur ça. Quand on parle à du monde, faut que ce soit toujours celui qui parle au monde qui dirige le courant des événements, pas nécessairement la qualité des événements. Puis ça, c'est vibratoire. Toi, tu me demandes une question, j'y réponds ou je ne réponds pas. C'est toujours moi qui dirige le courant. Ça fait partie de l'intelligence. C'est bien important, ça, parce que sans ça, si on ne fait pas ça, on peut facilement en arriver à voir le niveau vibratoire descendre. Puis, le succès, si vous voulez, en parenthèse, d'un homme qui parle à des gens, c'est de toujours maintenir le niveau vibratoire au niveau de sa propre vibration. Mais c'est ça que je pense, c'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, oui. C'est que c'était la personne qui est là qui annonce ses couleurs. Alors, à ce moment-là, on sait à quel niveau il parle. Oui, oui, oui. Ça a du bon sens, ton objection. Ton objection a du bon sens, autrement dit, dans le sens que l'observation du fait est réelle. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Je suis d'accord. Vous avez tous les deux raison. Parce que l'expérience qu'on a vécue là, aussi à la rencontre mensuelle à Joliette. Oui. La pensée juste, là, l'intervention, oui. Là, je l'ai trouvé fort en mon juste. Parce que si, à mon point de vue, si elle n'avait pas été dans la salle, là, elle aurait reçu des tomates par la tête du fait qu'il y avait l'intervention. Parce que c'était à un niveau tellement agressif, là, c'était tellement. Moi, je suis un peu plus sortie de la salle. Oui, mais ça, c'est. Ouais, OK. J'ai pas aimé ça du tout, du tout. J'ai trouvé ça. C'est bien intéressant, ça. Ça n'a pas partie du taux vibratoire des gens, ça. C'est bien intéressant, ça. J'ai quelque chose à dire, moi, là-dessus. L'affaire, quand t'as bon micro, puis qu'elle a initialement prendre la deuxième place, faut qu'elle soit très combative et non pas agressive, vous la sortez de la merde. C'est ni plus ni moins qu'une descente de volonté, parce que tenir un micro devant 600 personnes, quand t'es pris par les culottes baissées, là, c'est quelque chose. Parce que c'est une combativité, c'est une descente de volonté qu'elle a vécue. De toute façon, il y avait un choc vibratoire à créer. D'ailleurs, dans ce que tu dis, là, ça, c'est bien subtil. Moi, savez-vous pourquoi est-ce que je suis si effectif dans le langage? Parce que je suis enragé. Oui, mais c'est pas au niveau de l'agressivité. Non, OK. Mais laisse-moi finir ça, là, puis on va voir. Moi, je suis enragé. Je suis pas enragé contre l'homme. Je suis enragé contre la vie de l'homme, OK? Je suis enragé. Puis comme j'ai vécu toutes les phases de la vie de l'homme, puis je la comprends inside out, imagine-toi que je suis enragé. Fait qu'automatiquement, quand je vais en public, je suis un enragé. Seulement que je contrôle tellement mon énergie que quand je parle, au lieu que ce soit un défoulement, c'est un grattage dans le fond de la terre. C'est comme un sillonnement dans le fond de la terre pour faire soulever la terre. Il y a des gens qui vivent cet enragement-là. Puis elle, Hélène Boisvert, elle est un peu enragée. Seulement qu'elle ne contrôle pas sa vibration parce que d'abord, elle n'est pas fusionnée. Puis aussitôt qu'une personne est enragée, autrement dit, cassée par son expérience, mais qu'elle n'est pas fusionnée, automatiquement, cet enragement-là, elle, là, si elle venait ici, ce serait la même chose. Parce qu'elle aussi, c'est un autre qui est enragé. Seulement qu'elle ne peut pas Tant qu'on n'est pas fusionné, on ne peut pas se servir de cette énergie-là. Moi, c'est ça la différence entre moi et vous autres. C'est que moi, cette énergie-là que j'ai souffert énormément, puis qui m'a rendu enragé dans ce sens, qui m'a permis de voir la déconfiture des choses, je m'en sers parce que j'ai tellement de résistance maintenant que je ne peux pas faire en sorte que l'enragé se retourne contre moi. Je m'en sers d'une façon trop créative. Mais les gens n'ont pas encore cette expérience-là. Et même s'ils ont de l'enragé, ils ne peuvent pas s'en servir d'une façon créative. Et automatiquement, ça sort comme étant un défoulement. Tandis que Croteau, lui, il n'a pas vécu l'enragé. Il l'a vécu un petit peu plus doucement, lui, cet enragé-là. Fait qu'automatiquement, quand il parle, Croteau, ça sort pas avec les mêmes coins coupés. Mais d'un autre côté, il y a une raison pour ça. C'est que ça permet à des gens, pas nécessairement toi, mais des gens qui sont doux de nature, qui sont gênés, qui sont un peu insécurisés en eux-mêmes, d'aller vers Croteau puis demander des questions, puis souvent d'avoir des réponses qui les aident dans la vie. Tandis que bien des gens qui ne viendront pas me voir, moi, parce que à cause de l'insécurité, surtout les gens que je rencontre au début de tout, là, qui ne me connaissent pas, d'un conférence, ainsi de suite, ils ne viendront pas me voir bona fide comme ça. Parce qu'ils n'ont pas, ils me connaissent pas, puis ils ont toute leur insécurité, tandis que Croteau, ils vont aller voir Croteau. Parce qu'il est plus doux. Il va aller voir Bessette. Fait qu'il y a différentes personnes pour différentes personnes. Puis c'est ça qu'il faut qu'on voit. Je me mets en doute la personnalité. Je me mets en doute là. Non, mais j'explique simplement le mécanisme de l'affaire. Moi, je te comprends. Moi, quand tu me parles, là, ça, c'est encore une affaire. Toi, ce que tu as dit tout à l'heure. Oh, effectivement. Seulement, moi, je comprends ton honnêteté. Mais les gens ne sont pas fusionnés. Fait que les gens ne peuvent. Les gens ne pourront jamais vous comprendre comme moi je vous comprends. Vous rencontrerez jamais d'homme dans votre vie qui vous comprend comme moi je vous comprends. Parce qu'il n'y a pas d'homme dans la vie que vous allez rencontrer sur le plan matériel tant que le sexe n'est pas fini qui est fusionné. Il y aura des gens qui vous sauront. Il y aura des gens qui vous sentiront. Il y aura des gens qui pourront avoir une voyance de vous, mais qui vous comprendront comme moi je vous comprends, vous n'en trouverez pas. Fait qu'automatiquement, ça crée une autre situation dans votre vie lorsque vous êtes face à face avec des gens qui n'ont pas ça, cette capacité-là. C'est pour ça que ça nécessite qu'un certain terrain lentement soit préparé pour que moi, quand je sorte la scène, il y ait suffisamment de vibrations entre vous autres, pour que vous puissiez continuer cet acheminement vers la lumière, vers l'instruction, vers la compréhension, vers le décodage de tout ce qui doit être décodé. C'est pour ça que toi, tu peux parler, puis lui peut parler, puis moi, je vois dans vous deux les deux raisons, parce que pour moi, les hommes ont toujours raison. Mais tout le monde a raison pour moi, parce que je vois les raisons de tout le monde. Mais entre vous autres, vous ne pourrez jamais voir les raisons de tout le monde parce que vous n'avez pas encore suffisamment de fusion en vous. Quand vous l'aurez, vous la verrez, la raison de tout le monde. Fait qu'en attendant, il faut être patient. Il n'y a rien de plus difficile à l'homme de voir la raison dans l'autre. Parce que la raison qu'on a soi-même, c'est une raison qu'on a pour soi-même. C'est normal. Tandis que quand on est fusionné, on n'a pas de raison pour soi-même. On a seulement la capacité d'expliquer la raison de tous les autres pour leur bénéfice personnel. C'est jamais pour soi-même parce qu'il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mécanisme qui permet d'enregistrer en soi-même la valeur de ce que l'on sait, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. C'est pour ça qu'on est libre. Mais d'un autre côté, c'est pour ça aussi que l'on souffre beaucoup du manque de communication entre les hommes, de la communication réelle, même si les hommes sont sincères, comme dans ton cas, puis Croteau. Fait que j'essaie de faire voir combien c'est difficile d'amener les hommes ensemble. pas parce qu'ils n'ont pas de la bonne volonté, puis pas parce qu'ils sont pas sincères, puis pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'ils sont pas encore fusionnés. Dans toute intervention entre les hommes, à travers un initié, il y a toujours le fameux mécanisme de la qui lui permet de se reconstituer en soi-même pour qu'on puisse le voir. C'est ça qu'on fait quand on donne la chance à l'autre de parler, ainsi de suite. On a beaucoup de choses à apprendre au niveau de la communication. C'est très occulte, la communication. C'est tellement occulte, la communication, que les hommes, lorsque les hommes communiqueront ensemble, éventuellement, ce sera par télépathie. Ou la quoi? Ah, m'en faire une. Je pourrais en faire. Il faudrait en faire 10, 15, 20. Vous autres, vous ne souffrez pas de vous autres en tant qu'un nombre d'unités tendant vers la conscience. Tandis que moi, je souffre de vous autres en tant qu'unité tendant vers la conscience. Puis vous autres, vous n'en souffrez pas parce que vous ne voyez pas le chemin complexe de cet acheminement. Tandis que moi, je le vois. Je le vis tous les jours. Mais d'un autre côté, j'essaie de vous donner suffisamment de matériel pour vous amener par le truchement, si vous voulez, de la sympathie vibratoire qui existe entre nous autres, à arriver à ça. Ah, si je prends un croteau, si je prends elle, ou si je prends un autre, puis je dis, bon, ben, pas le don, à ce moment-là, ça aide à former cette infrastructure que vous aurez besoin dans l'avenir. Parce que moi, je sais, puis moi, je sais que tous les hommes qui sont moindrement dans la conscience ont la capacité de parole. Je le sais, moi. Vous autres, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Mais vous autres, vous pouvez le réaliser seulement au fur et à mesure que vous entrez en confrontation avec d'autres égaux. Mais plus ces égaux-là sont dans cette vibration de conscience qui leur permet de vivre côte à côte dans le mental avec d'autres égaux, à ce moment-là, plus c'est rendu facile. Là, aujourd'hui, 84, c'est Bernard. Ça marche, ça marche. Le noyau est là, le cieux. Mais quand le cieux sera plus là, vous verrez qu'il y aura de la polarisation. Il y aura de la polarisation. Puis quand il y aura trop de polarisation, il y aura encore une autre force qui viendra tout ramener ensemble. Puis encore, il y a de la polarisation. Puis éventuellement, il n'y en a plus. Puis quand il y aura plus de polarisation, vous passerez dans les terres. Il y a des choses qui sont vibratoires, qui sont anti-vibratoires. je parle tellement ce que je les mentionne. Croteau, tu sais, puis dit, je crois que. Tu peux pas dire, je crois que. Tu peux pas. C'est anti-intelligent. Je pense que. Fait, automatiquement, il sait. Puis un jour, peut-être que ça va sortir, c'est parce qu'on a des réflexes, on a une mémoire. Puis un jour, il va le réaliser. Un jour, il ne pourra plus dire un jour, ça devra son chance. Mais il faut que ça soit dit, il faut que ça soit réalisé. Ça sert à tout le monde. Imaginez-vous si vous me demandez une question, moi, sur n'importe quoi, vous direz, je pense que. Je crois que. Hey, on va plus nulle part. C'est final. Nulle part. C'est subtil. Sont autre chose en haut. Parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai mangé, comme un cochon, puis après ça, là, ils m'ont mis à battre à terre. Moi, tu comprends, quand tu veux que je sois fatigué, je suis fatigué. Puis quand tu veux que je sois fatigué, je suis plus fatigué. Puis quand tu veux que je sois fatigué, je suis fatigué. Ils font ce qu'ils veulent avec moi. Fait que je suis fatigué. Là, j'ai dit à Croteau, ben ouais. Ça, c'est leur façon de. Pour me couper, sans ça, je continue. C'est encore chose, là. Puis un jour, vous allez tomber sur la même vibration, là. Ils vont vous accrocher, puis ouf, la première chose que tu t'aperçois, tu peux plus en prendre de décision. Puis là, l'énergie passe. Je suis pas fatigué, là. Ça va, j'étais fatigué. Mais c'est pas une autre aussi, ça. Quoi? Quand tu dis qu'en haut, ils t'ont mis la batterie à terre. Ben oui, c'est à vous permettre ce qui s'est passé dans l'air. Mais c'est pour nous permettre aussi à nous autres de pas toujours penser de faire l'identité par rapport à une personne parce que c'est un qui parle ou un autre. Tout ça, ben effectivement, c'est le but de l'affaire. Ils veulent que les gens puissent parler. Ils veulent que les gens puissent parler. Il y a des gens, de par expérience, sont plus aptes à parler. Croteau a fait partie des écancors, l'autre fait des patterns en public. Il y a des gens qui sont habitués au public. Puis, cette expérience-là, ça aide. Parce que c'est la seule place où les gens, que ce soit n'importe qui, un homme ou une femme, qui a la parole facile, qui veut s'expliquer devant le public, c'est les seules places, c'est les seules rencontres qu'on a, qu'on est capable de les entendre, ces gens-là. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Moi, je vous dis, je parle à Ménard. Quand je parle à Ménard, devant un petit café, j'écoute Ménard avec autant de concentration et d'attention que vous autres quand vous m'écoutez. Mais moi, j'en ai pas de mécanisme qui me bloque ça. Moi, si je m'assieds avec toi et que tu me parles, je t'écoute. Parce que je vois derrière la personnalité. Je vois tellement derrière vos personnalités que je vois l'énergie. Tandis que vous autres, la personnalité. Si je pouvais faire ça, je ne serais pas intéressé. Je ne serais pas intéressé à vous rencontrer. Je ne serais pas intéressé à vous parler. Je serais intéressé à parler à ceux qui ont des grands mots, là, puis des grandes expériences ésotériques, des grandes expériences occultes, puis des grandes. Je ne serais pas intéressé à parler aux gens qui n'ont pas de ces expériences-là. Puis c'est pas facile, allez. Puis c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Puis chaque homme l'a, cette affaire-là. Fait que ça prend énormément de transformation du corps astral, parce que c'est le corps astral qui bloque ça. Moi, de la façon que je le vois, là, c'est que je trouve que l'homme ne s'aime pas encore suffisamment pour se respecter tout en respectant l'autre à être capable de l'écouter. La patience, comme tu dis, hein. Avoir la patience d'écouter, parce qu'on veut toujours avoir la parole, toujours nous autres. On veut avoir la parole parce qu'on est insécure. C'est l'insécurité qui fait qu'on veut avoir la parole. Mais c'est intéressant d'écouter parler quelqu'un. Effectivement, c'est intéressant. Très. Très. Mais pour qu'on puisse trouver ça intéressant d'écouter quelqu'un, il faut qu'on soit de plus en plus en dehors de notre personnalité. Puis ça, c'est pas facile, être en dehors de notre personnalité. C'est tough. On a toujours l'impression que c'est la personnalité de l'autre. Ah, c'est jamais la personnalité de l'autre. Jamais. C'est toujours la nôtre. C'est toujours la nôtre. Si tu me parles, toi, et ça rentre pas, c'est moi qui bloque. C'est pas toi qui bloque. Toi, tu parles. Comment tu veux bloquer si tu parles? C'est moi qui bloque, c'est pas toi. C'est ça qu'on comprend pas. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est toujours nous autres qui bloquent, c'est pas l'autre. Aussitôt que l'autre parle, il y a quelque chose qui part. Aussitôt qu'il parle. L'homme s'est pas écouté. Exactement. Faut que tu défonces les murs, puis les gens t'écoutent. Là, ils t'écoutent. Là. Tout le monde t'écoute parce que tu défonces les murs. Mais si les gens défoncent pas les murs, puis tu parles, là, créativement, là, là, ça bloque. Donc, au niveau du mécanisme, pour faire attention, pour pas essayer de passer par dessus la personnalité de l'autre, c'est justement de faire attention à notre personnalité. Faut voir au-delà de la personnalité de l'autre, puis on voit au-delà de la personnalité de l'autre quand on s'en fâche pas dans ça, dans la nôtre. C'est ça. C'est parce qu'au lieu d'écouter une rêve, il faut écouter la personnalité. Vibratoirement. Vibratoirement. Il faut le laisser passer. Il faut que vous fassiez avec les autres ce que vous faites avec moi. C'est tout simple que ça. C'est ce que je disais, il fallait pas croire, il fallait pas intellectualiser. Le pire, c'est vraiment qu'on change de personne, c'est plus de l'art, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que l'âme, elle ne s'exprime pas comme toi, mais c'est une femme intelligente quand même. Effectivement. Effectivement. Chacun est différent. C'est pas là la question. C'est pas parce que t'es intelligent. C'est pas là la question. De la manière, en tout cas, ce serait comme le mélange. C'est pas décidé par exemple. C'est que les gens, quand c'est Bernard, ça va. Quand c'est un autre, ça commence à avoir des préférences. C'est pas moi ou ça, c'est pas moi ou ça. La parole est jamais assez juste. Mais quand ce sera à ton tour d'aller parler, tu parles, tu parles, c'est ta parole juste. Toi. Ça, je me dis, moi, pour lui qui retourne, qui est assis là, je peux dire, c'est facile. Lui, il est derrière sa corde de bois, moi, je suis assis sur ma chaise. Mais si tu m'envoies là, c'est différent. Ah oui, là, c'est pas pareil. Ah, là, c'est une corde de bois. La part aussi, c'est parce qu'on attache l'importance. Dans le fond, c'est aussi facile. Parce que si tu vas t'asseoir à sa corde de bois, si les gens t'écoutent, ça va être facile. C'est parce que les gens t'écoutent pas que c'est pas facile. Mm-hmm. Tu t'allais là, toi, là, puis que les gens t'écoutaient. Si t'es si, si les gens dans la salle pouvaient t'écouter comme il y en a qui peuvent t'écouter, ça serait facile, c'est pas vrai. Ça maturerait selon ton courant, pas le courant de Bernard ou de Croteau, t'as l'assuré en ton courant, puis l'autre va selon son courant, puis l'autre va selon son courant, parce qu'il n'y a pas un homme qui dit quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être entendu. C'est nous autres qui bloquons. C'est pas celui qui parle. C'est nous autres. Les gens pensent qu'il faut être bien brillant pour que ce soit intéressant, c'est pas vrai. C'est pas vrai! Moi, je sais que c'est pas vrai! Bessette, il est pas brillant! Il est le fun! Croteau, il est pas brillant, il est intéressant! Mais non, il est pas brillant, il est intelligent! C'est toutes des nuances de l'intelligence! Puis quand je dis qu'il est intelligent, je vous dis qu'il rapporte bien ce qu'il sent dans son mental. La chiation n'est pas brillante, est attentive dans son intelligence et elle rapporte bien ce qu'elle décode. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Lui, il n'est pas brillant, il est astucieux dans son intelligence et dans sa façon de formuler des questions pour se comprendre lui-même. Puis lui, il n'est pas brillant, il est calme dans son intelligence pour percevoir bien ce qu'il ressent dans son plexus solaire. Puis chacun est différent de vous, pareil. Mais on n'a pas la vibration pour prendre ça. La Lipson n'est pas brillante, puis elle n'est pas intelligente, elle est subtile dans sa perception des autres. Fait que c'est toutes des formes d'intelligence, ça. C'est ça, faut qu'on aille chercher. Moi, je peux pas toutes vous les délivrer, ces affaires-là. Je vivrai jamais assez longtemps sur le plan matériel. Et la clé. Puis quand les gens auront cette clé-là, quand les gens auront ça, dans le monde, ça sera ça la sixième race. Les gens communiqueront, puis se rencontreront, puis se sauront, puis pas. C'est pour ça que je dis, on parle souvent on parle de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, est en train de descendre. Mais la descente est rough. Il y en a un qui explique comment ça marche, puis ensuite elle descend. Tant que je suis avec vous autres, ça va bien. Quand vous serez tout seul, vous serez obligé de vous organiser selon votre intelligence. Puis la laissez pas. Il y aura des gens qui pourront commencer ce processus. Même lui, il y a eu une amélioration là-dedans. Parce que c'est pas un cadeau, lui, il est Michel. Mais il devient un cadeau, puis il devient un cadeau, puis il devient un cadeau. Lui qui a du monde qui parle en avant, ça n'intéresse pas. Avant. Là, c'est moins pire. C'est moins frustrant. Et c'est ça qu'il faut voir. Moi, c'est ça que je vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la réaction des Michaud. Je m'en crisse comme dans l'an 40, et Michaud chie ce qui s'en va à Michaud. Mais. De voir ça. C'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me permet d'aimer le monde, parce que si j'avais pas ça, je crisserais mon cœur. Parce que j'ai pas besoin de personne. Je m'en irais. Le temps que je donne à l'homme, il n'y a pas de personne. Fait que l'homme, s'il avance de même ou de même, du moment qu'il avance, c'est ça qui m'intéresse. Le reste. C'est comme avant. Il faut que l'homme se donne la chance de voir l'autre qui avance. Ils disent que le développement de la conscience supramentale sur la Terre, c'est constamment un acte d'humilité. Un acte d'humilité. Constamment. Soit interne ou externe, mais c'est constamment un acte d'humilité. Parce qu'on est constamment dans notre ego bafoué. Soit de l'interne, ce qui nous amène à développer l'intelligence et la volonté, soit de l'externe, ce qui nous amène à contenir les réactions émotives et intellectuelles de l'ego. Fait que d'un bord ou de l'autre, on est bafoué. C'est pour ça qu'éventuellement, on devient extrêmement centré. On devient. Puis sans l'énergie, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Non.